Souvenir d'un marchand de tableaux, chapitre 8, deuxième partie. Je reçus un matin, rue de Gramont, la visite d'une dame d'allure très distinguée. « Je suis la marquise de S. » me dit-elle. « Je serais très désireuse de voir les Matisse et les Picasso qui appartiennent à M. Stein. On m'a dit que vous le connaissiez. »« Vous n'avez besoin, madame, d'aucune introduction, » lui répondis-je. « Ce sont les personnes les plus accueillantes du monde que les Stein, les deux frères et leur sœur, Mademoiselle Gertrude. Leur porte est ouverte à tous le samedi à partir de 9h du soir. » On me l'a déjà dit, mais c'est aujourd'hui lundi. Il faut que je prenne le train pour Rome après-demain ou plus tard. Figurez-vous qu'à un thé au Ritz, tout le monde parlait de la collection Stein, et moi, j'avais l'air d'une sotte. Puis, après une légère hésitation, je suis très liée avec l'ambassadeur d'Italie. Ne croiriez-vous pas que si je le faisais intervenir auprès de l'ambassadeur américain, on a déjà tenté, sans succès, de pareilles interventions d'ambassadeurs. Enfin, tant pis, j'attendrai. À sa demande, le samedi suivant, j'accompagnai la marquise de S. chez les Stein. Mademoiselle Gertrude Stein, qui causait avec des amis, répondit à notre salut en nous indiquant, par un geste, que nous étions libres d'aller et venir. Monsieur Léo Stein était assis, ou plutôt enfoncé dans un fauteuil, les pieds reposant sur la plus haute tablette de sa bibliothèque. « Excellent pour la digestion, » me dit-il en faisant un petit signe amical. Quand j'évoque ces temps anciens, je revois chez les Stein, au mur de l'appartement, des Matisse, des Picasso et de Cézanne, un portrait de Madame Cézanne, en gris, dans un fauteuil rouge. Cette toile m'avait appartenu et je l'avais prêtée à une rétrospective du maître d'Aix organisée au salon d'automne de 1905. Comme j'allais fréquemment à cette exposition, il m'arrivait d'apercevoir les Stein, les deux frères et leurs sœurs, assis sur une banquette en face de ce portrait. Ils le contemplaient silencieusement jusqu'au jour où, le salon ayant fermé, M. Léo Stein vint m'apporter le prix de la toile. Il était accompagné de Mademoiselle Stein. « Maintenant, » dit celle-ci, « le tableau est à nous. » On aurait dit que le frère et la sœur venaient d'acquitter la rançon d'un être cher. C'est une personnalité très complexe que celle de Mademoiselle Gertrude Stein. À la voir avec sa robe de gros velours de coton, ses sandales à lanières de cuir et toute son allure un peu bonasse, on dirait une ménagère dont l'horizon est borné aux relations avec le fruitier, le crémier, l'épicier. Mais que ses yeux se croisent avec les vôtres, on se rend compte tout de suite qu'il y a en Mademoiselle Stein autre chose qu'une bourgeoise. La vivacité de son regard trahit vite, chez elle, l'observateur à qui rien n'échappe. Comment cependant ne pas se laisser aller, s'abandonner en toute confiance quand on entend son rire, un rire railleur, comme si elle se moquait d'elle-même. Récemment, quelqu'un me disait « J'ai lu dans la Nouvelle Revue Française la description que Mademoiselle Stein vient de faire de l'atelier de Matisse. Il ne s'y trouve pas une seule allusion à l'art du peintre. Elle note simplement les objets qu'elle a sous les yeux. Une chaise par-ci, un chevalet par-là, au mur un tableau sans cadre, une statuette sur une console. » Je ne manquais pas de faire observer à mon interlocuteur qu'on trouve, sous la plume de Mademoiselle Stein, autre chose que de froides énumérations. Et, par exemple, quelque incapable que je sois de mettre un nom sur un personnage dans le plus transparent des romans à clé, comment un fragment des mémoires de Mademoiselle Stein m'étant tombé sous les yeux Ne me serais-je pas reconnu dans ce personnage renfrogné qui, au seuil de sa boutique, les deux mains appuyées au chambranle de la porte, regarde les passants avec l'air de les envoyer au diable. Que de fois j'ai éprouvé le regret de n'avoir pas l'abord naturellement amène et jovial. Quand j'appris dernièrement que Mademoiselle Stein avait eu pour traducteur de ses mémoires un professeur au Collège de France, M. Bernard Fay. « Un professeur au Collège de France ? » m'écriai-je. « Quelle veine est là, Mademoiselle Stein ?» Quant à moi, voici, en matière de traduction, ce qui m'est arrivé. J'avais écrit dans un article sur Gauguin que celui-ci, à Tahiti, avait souffert dans ses rapports avec les colons. Là-dessus, mon traducteur. « Comment, monsieur Volard, vous mettez colon au pluriel ? On n'a qu'un colon. Le colon, c'est une partie du gros intestin. » Et, devant mon air ahuri, il ajouta. « Soyez sans inquiétude, j'ai vérifié dans le dictionnaire. » Autres collectionneurs américains. « Monsieur Barnes arrive chez vous. Il fait défiler devant lui 20, 30 toiles. Sans hésiter, il en désigne au passage tel ou tel. Et c'est ainsi que Monsieur Barnes a réuni, dans la fondation qui porte son nom, une centaine de Cézanne et plus de 200 Renoirs. Un autre collectionneur américain, à qui les artistes doivent beaucoup, c'est Monsieur John Quinn. Pendant la guerre, M. John Quinn s'employa généreusement à faire acheter aux États-Unis des toiles de peintres français. Avocat réputé, il mit aussi sa science de juriste à leur service. Il intervenait, notamment et non sans succès, dans leurs différends avec la douane américaine. Un exemple de ces contestations est fourni par le procès intenté au sculpteur symboliste Brancusi à propos d'un bronze intitulé « Oiseau » et que la douane déclarait n'être qu'un morceau de métal brut. Elle voyait là un subterfuge pour échapper aux droits qui frappent le métal non façonné. Dans une autre circonstance, au consulat américain, à propos d'une contestation où il s'agissait de distinguer entre l'œuvre industrielle qui est assujettie, elle, à des droits d'entrée, et l'œuvre d'art qui en est exonérée, « Voulez-vous prendre la peine de vous lever ?» dit le peintre Georges Rouault au fonctionnaire dans le bureau duquel il se trouvait. Le fonctionnaire, étonné, s'exécuta. « Regardez votre chaise, » dit l'artiste. La plaque de bois sur laquelle vous êtes assis est percée de trous à égale distance et de diamètre identique. C'est du travail industriel. Si ces trous avaient été faits à la main, aucun ne serait semblable à l'autre. Voilà qui différencie l'œuvre industrielle de l'œuvre d'art. Le peintre américain Mary Cassatt, qui a tant fait pour l'art français, m'avait dit « J'ai parlé de vous à M. Havemeyer. Mettez donc de côté pour lui ce que vous avez de mieux. Vous savez qui c'est, Havemeyer ? Si je le savais, Havemeyer, le roi du sucre. Quelque temps auparavant, j'avais précisément lu dans les journaux qu'une importante baisse des sucres s'étant produite sur le marché américain pendant un voyage qu'effectuait M. Havemeyer. Celui-ci avait regagné New York et son retour avait suffi pour faire reprendre aux valeurs sucrières toute leur fermeté. Le roi du sucre. Tout en choisissant les tableaux que jugeais dignes de lui être soumis, je pensais en moi-même. Si j'avais la puissance dont disposent les milliardaires, ce n'est pas par ma magnificence que j'éblouirais le monde, mais au contraire par la simplicité de ma vie. Ainsi, je n'aurai pas de yacht, je ne ferai pas former pour moi de trains spéciaux, je ne retiendrai pas un palace entier, je ne m'encombrerai pas d'une suite nombreuse comme les manias du pétrole, du cacao, du papier ou du chewing-gum. J'en étais là de mes réflexions quand un méchant fiacre, c'était en 1898, s'arrête devant mon magasin. Il en descend un monsieur, très simplement mis, qui entre chez moi. Je pestais contre l'intrus. Si M. Havemeyer arrivait tout d'un coup et que je dusse le faire attendre pendant que je vendrais peut-être une gravure. Mais non, c'était des Cézanne que voulait voir l'inconnu. Il en choisit deux. Puis il me remit sa carte et rejoignit son fiacre. C'était M. Havemeyer. Quand je le connus mieux, ce qui me surprit plus que la mise modeste de cet opulent client, c'était l'esprit de stricte économie qu'il apportait dans tous les actes de la vie courante. Comme nous allions ensemble voir un tableau, M. Havemeyer s'arrêta devant l'opéra comique. « J'ai à prendre des places, » me dit-il. « Ce soir, je vais au théâtre avec ma femme et un ami. » Arrivé devant le bureau de location, « Trois fauteuils d'orchestre, » demanda le roi du sucre. « Tout est loué, monsieur. Nous n'avons plus que des loges. »« Donnez-moi trois places de loge. » »« Les loges sont de quatre places et nous ne les détaillons pas. » »« Très bien, je reviendrai une autre fois. » Il se tourna vers moi. « Vous comprenez, nous ne sommes que trois. J'aurais payé une place pour rien. » Il lui arrivait cependant de faire une folie, mais une folie raisonnable. Il ne jugea pas que ce fût le cas. Un jour que je lui proposai un Cézanne, le portrait que le peintre avait fait de sa sœur et qui ressemble si curieusement à un Gréco. Madame Havemeyer s'était arrêtée devant ce tableau. « Combien ?»« 10 000 francs. » « Pourquoi 10 000 francs, puisque pour cette autre toile qui est aussi importante, vous demandez 7 000 ?» interrogea M. Havemeyer. « Vous avez raison, les deux tableaux se valent. Mais reconnaissez qu'il y a dans le portrait de la sœur cette chose indéfinissable qui est le charme. »« Alors vous voulez me faire payer le charme en plus ?» fit M. Havemeyer. Un peu plus tard, le tableau fut acquis par un autre roi de l'industrie, un roi français celui-là, le roi de la margarine, M. Auguste Pellerin. Quand elle apprit cette vente, Mme Havemeyer ne put se retenir de reprocher à son mari d'avoir laissé échapper le Cézanne. En manière de compensation, un soir que l'on devait fêter son propre anniversaire, M. Havemeyer rentra, un Lawrence à la main. « Vous aimez vraiment ce tableau, vous ?» lui dit sa femme. « Je le trouve, moi, d'une qualité tellement inférieure au Lawrence qu'on nous a proposé l'autre jour. »« Je sais bien, » répondit le roi du sucre. « Mais ce tableau à 100 000 francs, c'était une telle occasion. » Si positif qu'il fût, M. Havemeyer ne devait pas être à l'abri du coup de foudre. Un jour que je lui montrais des tableaux, « Combien ce Cézanne ? » fit-il soudain, devant l'aqueduc au pain parasol. « 15 000 francs. »« Je le prends. » Puis, comme pour expliquer son subit emballement pour ce tableau, se tournant vers sa femme, « Vous ne trouvez pas que le fond de ce tableau rappelle tout à fait la fresque que nous avons tant admirée à Pompéi ?» Il regarda encore le Cézanne et il murmura. « Qu'est-ce qu'il y a donc là-dedans ? Qui vous fait penser à un tas de choses. » C'est un fait que toute nouveauté née du génie français se heurte chez nous à l'indifférence, voire à l'hostilité. On sait la défiance qui s'attache dans notre pays à toute hardiesse, que ce soit en littérature, en musique ou en peinture. Pour ce qui concerne particulièrement la peinture moderne, j'ai déjà rappelé quels obstacles ont eu à surmonter des maîtres comme Manet, Cézanne, Degas, Renoir, Gauguin, etc. pour s'imposer à leurs propres compatriotes. Situation singulièrement paradoxale. Le français, qui est de tempérament raisonneur, se retrouve conservateur devant toute nouvelle manifestation d'art, tant, au fond de lui-même, il craint d'être dupe. Au contraire, l'Allemand, qui, d'instinct, se plie à tout ce qui est discipline collective, adhère avec une sorte d'enthousiasme à toute anticipation du futur. C'est Paul Cassirer, dont la galerie de Berlin semblait un prolongement de la rue Lafitte. C'est le peintre berlinois Liebermann qui accrochait au mur de son atelier nos plus beaux impressionnistes. Ce sont les directeurs des musées nationaux. Ce sont encore les collectionneurs berlinois que l'on voyait naguère dans les ventes de l'hôtel Drouot faire remonter Manet, Renoir, Degas, Cézanne, Claude Monet, enfin toute l'école moderne. Toutefois, il arrive qu'on se méprenne sur les dispositions d'un acheteur si l'on juge sur les apparences. Un couple allemand, venu à mon magasin, avait demandé à voir des Gauguin. Tout à coup, la dame s'aperçoit qu'elle a perdu son épingle à chapeau et s'enquiert s'il n'y a pas dans le voisinage une boutique où elle pourrait s'en procurer une. « Nous avons un bazar tout proche, » répondis-je. « Ma bonne va vous conduire. » Au retour, celle-ci, me prenant à l'écart, « Monsieur fera bien de se méfier. La dame avait trouvé une épingle qui lui plaisait beaucoup, mais quand elle a vu le prix, 1,95 franc, elle a dit « C'est trop cher !» et elle en a pris une de 18 sous. Eh bien, ce couple-là m'acheta 115 000 francs de tableaux. Si les marchands, les amateurs, les plus célèbres artistes d'Outre-Rhin se faisaient les propagateurs de l'art moderne français, les critiques et les écrivains d'art ne montraient pas un moindre zèle à exalter l'école française avancée. Je me souviens qu'en pleine guerre, en 1917, il y eut en Suisse une exposition de reliures allemandes. L'on pouvait y voir les éditions que j'avais publiées de Parallèlement et de Daphnis et Chloé, illustrées par Bonnard, et que les bibliophiles d'Outre-Rhin avaient pieusement accueilli dans le même temps qu'en France, elles étaient encore si peu appréciées. À cette occasion, le grand critique d'art allemand Meyer Greffe n'hésita pas à écrire dans la Gazette de Francfort qu'un livre comme le Daphnis et Chloé, où tout s'équilibrait si parfaitement, papier, typographie, illustration, ne pourrait jamais être réalisé en Allemagne. Quand, en 1902, je fis paraître le Daphnis et Chloé, un autre Allemand passionné d'art, le comte Kessler, fit à ce livre la plus ardente réclame parmi ses amis. Il prit même un tel goût pour les belles publications qu'il voulut à son tour éditer des livres dont le premier fut Les églogues, illustrés par le sculpteur Mayol et qui furent imprimés sur un papier fabriqué par Mayol lui-même. Le célèbre papier dit de Montval, du nom d'un hameau de Marly-le-Roi où l'artiste a son atelier. Et, comme Mayol avait observé que le papier fabriqué avec du linge blanchi au chlore finissait par jaunir, le comte Kessler n'hésita pas à aller lui-même chercher des chemises de paysanne jusqu'au fond de la Hongrie où l'usage du chlore était inconnu. Je me souviens d'un dîner auquel le comte Kessler m'avait invité. C'était à la Tour d'Argent, ce restaurant qui, encore qu'il fût très fréquenté par les étrangers, avait conservé un aspect si français. Il est vrai de dire que, partout où il y a du bon vin, on se sent en France. Et les caves de la Tour d'Argent jouissaient d'une réputation justifiée, non moins que le service du maître d'hôtel, le si réputé Frédéric. J'avais éprouvé une sorte d'appréhension devant le canard au sang qui faisait la renommée du restaurant. Mais je dois reconnaître que je le trouvais fort bon. Une seule petite ombre à ce tableau. J'aime les maîtres d'hôtel strictement rasés et les cheveux courts. Or, Frédéric avait les cheveux longs et était très barbu. Je me rappelle, parmi les convives, une baronne allemande d'une grande beauté. Il s'y trouvait aussi Aristide Mayol et, si j'ai bonne mémoire, un Allemand de marque, le baron de Bodenhausen. C'était un grand et fort gaillard que je me serais plutôt représenté en uniforme d'officier, la latte au poing et faisant marcher ses hommes au pas de l'oie. Le comte Kessler avait amené à l'art moderne le baron de Bodenhausen. C'est ainsi que j'eus l'occasion de le voir plusieurs fois à mon magasin. Un jour qu'on parlait de la statue de Jeanne d'Arc de Frémiers, mon frère rappela la remarque de Michelet que le miracle de Jeanne d'Arc avait été de réconcilier les Français. À ces derniers mots, le baron de Bodenhausen, qui était en train d'admirer un Cézanne, se retournant tout d'une pièce, jeta à mon frère un regard où il y avait de la colère. Je me dis, comment peut-il prendre ombrage d'un fait historique qui date de 5 siècles et qui ne concerne même pas l'Allemagne ? Quand la guerre éclata, peu après, en 1914, je compris l'irritation du baron à la seule pensée d'une réconciliation des Français devant l'ennemi. Deux visiteurs, à une exposition que je faisais, se parlaient dans une langue étrangère. L'un d'eux, après m'avoir acheté un Gauguin, s'en alla. Je demandai à son compagnon, qui était resté à regarder des tableaux, quelle était la langue qu'il parlait. « C'est le russe, » me répondit-il. Je racontai à un confrère de Moscou que j'avais vendu quelque chose à un de ses compatriotes et qu'il avait payé sans marchander. « Un russe qui ne marchande pas ? Vous avez dû avoir affaire à quelque Polonais ?» D'où je déduisis qu'acheter sans marchander n'est pas le fait d'un russe authentique. À propos d'amateurs russes, un de mes clients, à qui on ne pouvait refuser la qualité de russe 100%, tant il marchandait, c'est un moscovite dont le nom m'échappe, un nom qui finissait en F. Il me disait un jour, « Un de vos confrères, c'est extraordinaire. Quand je fais affaire avec lui, c'est toujours au chiffre que j'avais arrêté de ne pas dépasser qu'il me laisse le tableau. On dirait, ma parole, qu'il lit dans ma pensée. » Ce n'était pas dans la pensée du client que lisait le marchand, comme je l'ai su depuis, mais plus simplement par-dessus l'épaule de sa dactylographe. Celle-ci, d'origine russe, notait le conciliabule entre l'amateur et un compatriote dont il se faisait toujours accompagner. Tous deux débattaient jusqu'où on pouvait aller. Une sorte d'impulsivité morbide est propre au tempérament russe. Un collectionneur de Moscou, M. Morozov, attendait Maurice Denis, qui devait mettre en place chez lui un ensemble de décorations. Un frère cadet de M. Morozov avait dit, plusieurs fois, tout le plaisir qu'il aurait à connaître le peintre, dont l'arrivée était annoncée pour le lendemain. Tout en causant, il maniait un revolver qui traînait sur la table, et, tout à coup, « Tiens, si je me tuais !» Et, approchant l'arme de sa tête, il se fit sauter la cervelle. Un jour, je vis entrer chez moi un chasseur d'hôtel. Il venait m'annoncer un client qui recherchait les tableaux comme ça, et il me désignait des nus de Cézanne qui étaient en vitrine. Le lendemain, en effet, il revint, accompagnant un Russe, un certain comte Snazin, lequel, devant les nus de Cézanne, hocha la tête. « C'est pas trop grossier. Je veux des tableaux de nus bien dessinés, des cochonneries très fines. Enfin, de peintres qui font des nus aussi ressemblants que les champs de neige de votre maisonnier. J'ai besoin de 40 peintures pour illustrer cette histoire enfantine que j'ai composée moi-même. Un prince nègre a acheté au marché 2 jeunes garçons. De retour dans son palais, il a revêtu une longue tunique en tarlatane verte, ornée de nœuds rouges. Il habille les 2 petits garçons, l'un en général bulgare, l'autre en marin russe. Il leur apprend à jouer à des... comment vous dites en français ? Des folichonneries. Note. Chez les peuples orientaux, toute représentation de nu est regardée comme une indécence. C'est pourquoi mon russe appelait cochonnerie un tableau de nu. Et d'autres que des orientaux pensent de même. le conseil général de l'île de la Réunion avait attribué une bourse d'études à un jeune peintre qui, à la fin d'une année, envoya une toile représentant une femme nue couchée. Le tableau fut placé dans la salle des séances du conseil général. Ce que voyant, un des conseillers sursauta. « Quoi ? On a osé accrocher cette cochonnerie au mur ?» C'était une copie d'après un des plus grands maîtres italiens, le Corrège, si je ne me trompe. Fin de la note. Sans trop chercher à comprendre, je me contentais de dire aux Russes que des peintres comme ça, il en trouverait à son gré au musée du Luxembourg. Quelques jours plus tard, il revint chez moi. Il avait été au Luxembourg, où il avait découvert un fascinant petit garçon nu, aussi poussé qu'un maisonnier. C'était l'enfant mort de Bouguereau. Il me demanda de convoquer ce peintre à mon magasin avec des spécimens de ses cochonneries les plus fines. Je lui expliquai que M. Bouguereau était un artiste arrivé et qu'il ne se rendait pas à domicile. « Eh bien, dit-il, alors c'est moi qui irai le trouver. » Mon russe partit, je ne pensais plus le revoir quand, au bout de quelque temps, il reparut au magasin. « J'ai été, dit-il, chez ce Bouguereau, lui apporter la commande de 40 petits tableaux de nus, des jeunes garçons folâtrants. Je lui ai bien expliqué ce que je voulais, et il m'a dit « Foutez le camp, espèce de vieux !» Comment dites-vous ? En anglais, c'est « old pig ». Ah oui, je sais, vieux cochon !» Je crus devoir informer mon russe que je ne voyais aucun autre peintre à lui indiquer. « Ne cherchez plus, j'ai trouvé ce qu'il me fallait !» s'écria-t-il. Comme j'étais retourné au musée du Luxembourg et que j'étais arrêté devant un nu de Cabanel très bien dessiné, justement le peintre lui-même était en train de faire une copie de son tableau. Nous avons fait connaissance et il a accepté tout de suite d'exécuter ma commande. Puisqu'il avait satisfaction, je ne jugeais pas utile de révéler à mon homme que le vrai Cabanel était mort depuis longtemps. À vrai dire, j'étais assez curieux de savoir qui était cet étrange amateur de cochonneries fines. Pour le mettre en veine de confidence, je lui appris que j'avais des clients russes, des industriels, un grand marchand. M'interrompant, « Ah, moi je ne suis pas un marchand, je suis noble. Mon père était philanthrope, je continue mon père. J'entretiens l'orphelinat qu'il a fondé pour des jeunes garçons sans famille. » Sur quoi il m'invita à dîner. J'ai découvert dans votre Paris un petit... Comment dites-vous ? Ah oui, je sais, un petit bistrot. Je craignis de le blesser par un refus. J'acceptai donc. Mais mon amphitryon ne se rappelait plus l'adresse du bistrot en question. Il fut convenu qu'il viendrait me prendre le lendemain. Rue Cambon, dit-il au cocher quand nous montâmes en voiture. Je vous arrêterai. C'est un tout petit bistrot. Ce tout petit bistrot n'était autre que le célèbre café voisin, où mon hôte avait tous les soirs sa table retenue. Le dîner fut excellent. Au dessert, il m'invita à aller terminer la soirée quelque part. Il me demanda quel était le théâtre le plus couru. À tout hasard, je désignai les variétés. Le russe appela le chasseur et l'envoya prendre 3 fauteuils. Je pensais naturellement qu'il attendait quelqu'un. Le chasseur revint peu après. Il n'y avait plus aucune place libre. « Je veux tout de même. Je paie ce qu'il faut. » L'argument était péremptoire. Le chasseur nous apporta bientôt les 3 places. Arrivés au théâtre, mon hôte, passant devant le vestiaire sans s'arrêter, je le suivis. En nous installant, le russe déposa son manteau sur le fauteuil entre nous deux et m'invita à en faire autant. Cette place vide était le point de mire des spectateurs, qui n'occupaient qu'un strapontin. Au début de la représentation, il pouvait croire qu'il s'agissait d'une place retenue, dont l'occupant allait arriver d'un moment à l'autre. Mais, après le premier entr'acte, le fauteuil restant toujours vide, à plusieurs reprises, tous les spectateurs de notre rangée durent se lever devant quelqu'un qui s'approchait de la place convoitée. Et chaque fois, le Russe, avec une politesse qui n'excluait pas la fermeté, « Ce fauteuil est loué. »« Votre invité est bien en retard, » observai-je à mi-voix. « Mais je n'attends personne. » Alors je compris que le troisième fauteuil, c'était pour mettre le manteau et appuyer le bras. Je disais à une dame américaine, « Si cela continue, nous serons un jour obligés de faire le voyage d'Amérique pour pouvoir admirer les plus beaux tableaux d'Europe. » « Indeed, nous pouvons acheter. »« Certainement, mais vous aurez beau en remplir tous vos gratte-ciel. Ce que vous n'avez pas, c'est une maison qui remonte seulement à 400 ou 500 ans. » L'Américaine resta un moment songeuse. « Avoir une vieille maison? Mais c'est très facile. Je peux acheter et emporter avec moi en Amérique. » « Sans doute, vous pourrez avoir un tas de pierres. » « Mais l'âme de la maison, est-ce que vous pourrez aussi l'emporter avec vous ?»« L'âme de la maison, qu'est-ce que c'est ?»« Si vous aimez mieux l'atmosphère dans laquelle baigne la maison, le site auquel elle est étroitement incorporée, tout ce qui lui donne son caractère particulier, son charme, en quelque sorte sa figure. Tenez, jusqu'à la mousse qui, à chaque printemps, verdit son toit. Tout cela ne se transplante pas. Vous aurez une maison qui aura toujours l'air d'être en exil. » 3 mois plus tard, j'étais invitée chez mon Américaine dans la propriété qu'elle habitait aux environs de Paris. J'aimais beaucoup l'endroit, avec les vastes échappées qu'on avait des terrasses de la maison. Mais quelle surprise ! Une énorme bâtisse, avec de faux airs de vieux château, avait poussé là, obstruant la vue. « Oh, madame, quel malheur que ce voisinage, vous qui jouissiez d'un si beau coup d'œil !» L'Américaine sourit. « Vous m'avez parlé de maisons de 400 ou 500 ans ? Eh bien, ce château que vous voyez là, maintenant, il a 640 ans, garanti sur facture. C'est très facile d'avoir. J'ai téléphoné à mon homme d'affaires. Je veux un château de 600 ans, acheté. » Et tout de suite, on faisait les travaux. Creuser ici, démolir là-bas, numéroter les pierres. J'ai dit aussi que je voulais les tuiles avec leur mousse. Venez voir de près. Et elle m'entraîna. « Vous ne trouvez pas que c'est une très belle chose, mon château ?» Évidemment, il devait avoir grande allure là où il était. Mais ne vous semble-t-il pas qu'il a comme l'air dépaysé d'être ici ? « Ah oui, il manque ce que vous appelez, comment dites-vous, l'atmosphère. De ça encore on s'est occupé. Tous les plans sont faits. Et une fois le château en Amérique... »« Comment ? Vous allez le faire retransporter là-bas ? » ?»« Il faut. Voici. J'avais acheté pour rester ici. J'en aurais envoyé un autre en Amérique. On m'en a proposé un encore plus ancien. Il faut que je vous explique. » J'ai envoyé la photographie de ce château-ci à mon fils Harry. Il est dans l'art, Harry. Il a trouvé que c'est là une construction très fascinante. Il la veut et pas une autre. Harry ne peut pas venir en France à cause du mal de mer. Alors je lui ai dit, j'enverrai le château en Amérique. C'est aussi facile que de le transporter ici. Une fois les pierres numérotées et mises en boîte, il pourrait faire le tour du monde, le cher vieux château. Mais il fallait qu'il vienne d'abord ici. Je donne une fête, et il y a une partie du programme qui doit se passer dans un vieux manoir. Dès que l'exhibition sera terminée, on va tout de suite démolir, numéroter, remballer, et mon architecte a pris engagement écrit que 5 mois et demi après, le château sera remonté dans la propriété de Harry, sur les bords du Michigan. L'Américaine prit un temps et continua. Et avec ce que vous appelez l'atmosphère, l'architecte a fait enregistrer le vent qui souffle dans le pays, et aussi le chant du rossignol, le cri-cri du petit grillon, le tintement de l'angélus. Puis, interpellant un domestique, elle se fit apporter un phonographe d'où s'élevèrent les différents bruits énumérés plus haut. « Le vent n'est pas bien réussi, » s'excusa l'Américaine. « J'ai déjà commandé d'enregistrer de nouveau. »